Eh bien, nous sommes maintenant parmi tous ces jeunes qui se sont engagés dans les Waffen-SS et qui vont partir. Eh bien, pourriez-vous me dire, vous, monsieur, je vois votre boutonnière, l'insigne du francisme, pourquoi vous êtes-vous engagé dans les Waffen-SS? Bien, je me suis engagé dans les Waffen-SS pour aller d'abord combattre le bolchevisme. Je suis franciste et le francisme a été jusqu'à présent nettement anti-bolchevique. Et c'est surtout pour satisfaire aux aspirations de mon parti que je pars dans les Waffen-SS. Et que faisiez-vous dans la vie? Dans la vie, j'étais bureaucrate. Eh bien, ça doit vous apporter un certain changement à votre existence, dites-moi. Oui, un peu. Mais j'étais aussi très longtemps soldat et je crois... Pour combien de temps êtes-vous engagé? Ben, faut une durée illimitée, je ne l'ai même pas demandé. Bravo. Ces jeunes volontaires dans la formation d'élite que représentent les SS sont une chance de plus pour la France de reconquérir en Europe une place digne de son passé. La liberté, notre honneur s'appelle fidélité.